perte dureté ndax lan ndax manam mi nga xamantene nonu la metté nonu la taré nonu la duré manam ni mu du degeuré mais nañ xamné safara li tax nit ñi fay nek duñu tollo manam bu kenn japp ne nit ñi buñu démé tollo nek do benn place ak ñom ñoo bok li ñi yëk comme tay mi ngi melni tay bu fekkante ne tay dama genn ci mbedd Lyon yi ñun ñepp ñu nek Lyon fi ni nek ci mbedd mi ñun ñoo bok température biñu yëk selon yéri bu dé ñoo tollo yéri biñu sol parce que ngelaw lepp yépp fi benn la jawu ji benn la température CNTP voilà ñoo voilà CNTP yi benn la voilà CTP plutôt CTP da ngay dindi NB voilà donc CTP condition de température et de pression yi benn la légui su fekente ne dañu mais boudé safara mbir mi melul non mbir mi solo li nit ki manam dafa am ciosan li tax nit dem safara safara yi ay étape la dafa am déjà safara djulli ni ak safara yéfir yi duñu benn même ci bir jahannama sax safara yi fiñu duggal djulli ni nga xamantene xeyna def nañu lu graw yu tax ñu duggal leen fa ba paré yalla baalu leen parce que nit mën na def lo xamne comme par exemple lu melni xam nga ki nga xamne yenenbi sallalahu alayhi wasallam neena day naan ci ndoxol lan khalis ci ndabal khalis koku yenenbi sallalahu alayhi wasallam tekkunako neena na xamne safara la nek di naan manam kon day dugg manam bu ko yalla baalul dina ko duma bir safara manam lolou lay tek manam bu ko yalla baalul parce que mën nako baal sir li fi meuna jaar ba tax manam loi bi du appliquer wu ci kaw nit ki beuri nañ mën na tup mën na jéggelu yalla yalla mën nako ko baal rek ci mbaxam mën nañ ko ram ak yenen yi fi meuna jaar dal ba en tout cas sentence bi du teggu ci kawam beuri nañ sauf que du ñepp manam mais loi bi mom moy li la li moy loi bi leneen lu fi jaar da fay jaar ba tax ñu annuler jugement bi ci sa kaw mais li mom moy loi bi waaw sentence bi dal lañu tek ku def li mom dal mom la yello legi nak bu fekkante ne yi fi warono meuna jaar yep ba tax o jéggul lu waaji mi ngi fi waaji dañ ko yobbu bir safara kon du manam duma ko tax dafa naan ci ndabal khalis ñoñu non ak yeneen comme julit bu ray nit julit bu sacc bu wax lu dul deug bu jeew nit ñi bu njaalo bu nan sangara bu lek yak mbam xux et cetera manam yoyu nga xamantene dañ koy téré ak ku dul julit dul sam wala bon ku dul julit wuté nañ ci borox xoy mais par exemple ku julit bu dul wor wa mu wara jox azaka joxe wuko mu meuna dem aji makka defuko ak yeneen ak yeneen yoy yeb ñoñu non par exemple nga xamne bayi nañ faratay wala def nañu haram nga xamne yello nañ quand même ben sentence ben punition bo xamantene liko waral mom moy liñu def non lolu su amé itam té baluñu len ko buñu len yobé safara bu len fogné ñom ak yéféri ñoo bok fi ñu né ñom ak yéféri duñu bok fi ñu né yéféri ñoo gëna grawlé ka ñom ñoo gëna grawlé ka fouf sax fouf khadul bayam benen bi moy safara julit bi mom day jeex parce que julit ni dañuy purger sen peine dañuy purger sen peine ak luñ fa meunti def ci ay temps meun nañ fa def siècle yu bari mais après dañ purger sen peine dañ ko purger un jour viendra ñu dem aljana yalla nañ ci wala musul amin mais yéfer ñom sen safara du jeex ñom duñ purge manam amul ne purge nañ ko dedet du jeex abadan la mais même bu fekente ne ñi dem safara ño bok ciosan bi len fa yobbu hatta ci yefir duñu tollo tamit mbugal manam solo li ñu def lol di nañ ko gis inshallah ci mas'ala usuliyya inshallah mais même bu fekente ne dañ leena mbugal manam peut-être que manam ciosan bi manam moy kéfer ay yéfer la motax ñu yobul len safar lool moy ben lool kon ñom ñoko bok mais nak solo seen jëf yi xam nga tay yéfer bi nga xamantene Par exemple, il était gentil relativement. Hein? Voilà, il était gentil. Hein? Dans de nga dem Somalie, je me xol ay nit ñu dimbali fofu. Té di def ay ki humanitaire mustaray nit. Bon, il était un peu sincère parce que mom nak bon bo doko duggal ci lo xamantene gëmuko. Dan bo day wax deug quand même. Hein? Du won du def ay détournement de deniers publics. Yépp du ko def. Du ray nit, hein? Yéfir bobu bu len yamul ak yéfir bi nga xamantene par exemple rayna mola mom addu calpé la won hein va def le détourner na deniers publics yi rayna amna ay nit ñu mu ray wala commandité na hein téna ay assassinat ñaar ñi mënu ñu len yamale du ñom do fekk nak né safara mom ci bopam ab kër la gu ri comme aduna ni nga xamantene bu biñ fi ñew xam nga aduna biñ fi ñew ñun nit fekku ñu fi ay tabax yi ñun ñoko fi def hein safara tam non la mel safara amul manam espace la rek bo xamantene fa la yalla yobu manam comme mën nañ ni prison la bo xamantene yalla da fay yobu ñi nga xamantene ñom ñoy ñom la wara mbugal manam ñi nga xamne ay nonam lañ legi fofu tamit dafa vide ci départ mais nit ki moy jëf difa envoyer difa yobbu c'est à dire que kon nit ki su défé lu bax manam budé julit la parce que condition pour ñu nangu sa jëf moy nga gëm yalla té def ko ngir yalla lolu bu boba day tabax ay kër day acca aljana day samp manam dañ koy sampal ay garab ay tol ci aljana manam diko arroser diko gën défaral tolam hein et cetera manam ce qui fait que nit ñi buñu démé aljana duñu tol lool la day am parce que solo seen jëf yu bax légui nak principe bi lay duggal aljana moy gëm nga yalla julit nga lool moy principe bi lay duggal aljana légui nak solo li ngay def la ngay am aljana du tollo ak kenen c'est à dire que nit ki légui limi def mom manam légui mom moy tabax kërëm aljana légui ay kërëm mom mo fay défar ay hein ay tolam yaangi dégg voilà mom mo fay fexé ba di gëna élargir kiou manam famiou manam ourul ay neyam fay am et cetera donc yoy yep mom moko manam mom moko fay tabax legui niki nonou safara tamit non la mel safara tam non la mel niki solo ay jeufum mom mo fay manam mo fay tabax ay keur yuñ ko fay tabax la han ay punition yuñ ko fay def et cetera solo jeufum yu la motax fi dara amul dara lu fi leneen ludul nit ki def gi te yopam dou koy fago lol mom motax ki yalla te xel mom moy kimi xir ci mu nek ci lu bax ki te xedi moy kimu xir ci mu nek ci lu bon def yu bax yi ñi nit ñi gis nit ñi diko def ak def yu bon yi ñi gis nit ñi diko def ñom daanaka duñ ci dara lepp ay sabab la yu wané ana ki lan moy jëm wayam lolou motax ku bëgg xam place am ci yalla na xol ci lan la ko yalla tek bu fekk tane daf ko tek ci muy def lu bax di and ak ñu bax ni di dugg ci yu bax di bay yu bon et cetera na xamne mom lolou mom le représenter ci kanamu yalla yalla fofu la ko tek su fekk tane dafa bok ci ñi nga xamne yalla nañ ci yalla mussel day def yu bon di wax lu bon diko luñjitu di hein ah di dugg ci ay affaire yu bon di louwel aka and ak nit ñu bon ni nga xamni mom tamit loolu représenter ci yalla di rafé ce qui fait que limuy am ku nek manam motax fa man ya'mal mithqala dharratin khayran yara wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara kep ko xamne jëf nga lu tolok atum lu mu tuti ci lu bax dang ko gis manam moy ñepp luñ tolok niki non ku def lu tolok atum ci lu bon ding ko gis parce que lan ñepp lan do la buñ tolok kon lolu mom moy li nga xamne manam mom moy parti bobu non ci walu manam kon safara ci originam ni mu mel rek moy ab espace vide la sauf que nit ñi ñofay remplir di kenn ku ci nek solo sey jeuf yaay xol ñaata ñaata ci ñaata superficie ngay ki ci territoire bi hein ak nan ngay orné sa bir keuri hein ak numuy tollu ak et cetera ak la ngay fekk ci bir keur gi ci yu bon yow ya koy fagu xolal lan nga bëgg rek nga def lu tollok lool xolal li nga bëgg am rek nga jëfé non xolal rek yow yaay xol légui nak mu def benen bir moy en fait safara ci bir lancer bobu comme que gis nañ ni sama borom subhanahu wa ta'ala mom moy xir manam moy xir sa nit yi moy def lo nit ci manam en tout cas fam ko jeme day manam limi def ni liñ ko xamé ci day wone rek lamu nar famu nara mujju lool rek lay wone famu nara mujju lool nak day am benen bir muy ki manam muy interpeller day interpeller benen questionnement moy mais attendez est-ce que kon yalla subhanahu wa ta'ala mais mom il a créé un individu et après hein mu def loko yi après bu duma ko toulé même questionnement bobu la indi effectivement mbir mi non la démé sauf que lolou moy batinu mbir mi sauf que zahiru mbir mi moy dañ lay lacc yow dañ lay respectement dañ la responsabiliser jox lam xel parce que tay bo taxawé ci karam situation lu bax ak lu bon yow de toute façon am nga xamé nga am nga choix pour mëna def pour mëna ci et cetera au moment où tamit xamulo lan moy dogal gi yalla dogal ci yow ak secret bi nek ci ginnaw yépp xamoo ci dara kon manam de toute façon lolou du nek lay pour yow légui nak mu dess benen bir moy hikma yu bari daño nek ci ginnaw bon maintenant xam nga safara ni nga xamantene non la nit ñi di nek bir aljana nek place bo xamantene nit ñi dañ fay xewlo mais difa manam mu nek place bu ñuy xamé seen borom difa yokko luy manam luy tax ñu gëna xam seen borom xam kan moy seen borom diko gëna diko gis fofu diko fa magal et cetera nga xamantene fofu comme li yaronte bi sallallahu alayhi wasallam wax yulhamuna tasbih kama yulhamuna nafas ni ñi sabbalé yalla dañ leen koy inspirer comme fi ci aduna ni ñi lay inspirer ngay noyé xam nga fi aduna boy noyé doko décider ba paré sax amul choono dañ la ko inspirer yalla doon la ko inspirer feul tamit non la aljana manam ngay sabbal yalla manam kon perpétuellement da ngay nek ci jamm yalla quant à safara ñu fa nek aussi dañuy nek ci jamm yalla d'ailleurs motax safara place la bo xamantene ñafa nek ñom dañ fay jamm yalla ñom nak miñu mel c'est à dire que prototype manam façon bi ni leen yalla bindé motax ñom la bu dañu dem safara parce que fofu rek lañu mëna jamu yalla parce que motax buñu nekké ci aduna buñu leen waxé yalla dañ nan mais ku yalla mais buñu fonto han dal di wiccax loxo bi han yalla ay lan du leen mais buñu démé safara nak fofu dañuy xam yalla waaw yalla waaw kay di tuddu yalla di jamu yalla fofu place la buñu jamu yalla ñom et puis tamit dinañ fa xamé sen borom subhanahu wa ta'ala et cetera dañu djégué état bi manam mais ñom yalla loolu la nam ci ñom ce qui fait que kenn ku ci nek façon bi yalla bëggé dila fa feñowé façon bobu la lay destiné yalla ñu yalla destiné nak ci façon bi nga xamantene mom mo and ak jamal gi manam moy beauté bi tar gi té bu mu ñu feño côté bi nga xamné mo and ak jalal gi manam moy majesté gi té mom moy wa safara kon li mom moy li nga xamantene mom mo aju won ci makna hadith bi légi nak mu dess masala yi nga xamantene ñoo ñoo nekk ci hadith bi masala yi nekk ci hadith bi masala yu ñëkki comme niñ ko daan defa mo day def masala yi nga xamantene dafa aju ci walu teggini manam ki nga xamne mom moy sakku xam xam ak ki koy han ak ki koy joxe suñu paré dugg ci masala yi nga xamantene masala fiqh la suñu paré dugg ci masala nga xamné usul la qawaid fiqhiyya li nga xamantene mom mo aju ci teggini nga xamne ki jang manam ci ñaari hadith yi ñu gis han ñaar yeb hadith bu ndeuk bi mom moy hadithu Huzayfa ibn al-Yamani radiyallahu anhu nga xamantene dafa ñew ci persi mom mi ngi bind xam ba xam li bind ba xam de wa dafa ñew kon ci persi bi mu ñewé ci persi mu am mu laaj ñu may ko dox di xaar kenn ci manam moy sen ci sen kilifa ga ci madain ci dekk ba mom ci bopam mo ñew jox ko ndox mais ci ndabal xaaliss la ko ko joxe mu xañ ko neko waxna la bataay ne la ndabal xaaliss dafa haram yenenti bi sallalahu alayhi wasallam dafa ni bu len lek ci ndabal la taqulu fi ina'il dhahab wal fidda la tashrabu fi ina'il dhahab wal fidda wala taqulu fi sihafiha fa innaha lahum fi dunya wa lakum fil akhirah bu len lek ci ndabal xaaliss manam bu len nan ci ndabal or ak xaaliss te bu len lek ci sen ndab yi tamit parce que ñom ñoko mom manam yefir ñoko mom fi ci aduna yenako mom Allah xal hadith bobu ci teggini dem ñu ci jangal ben mbir mu am solo ci premier moy nit ñi sen niñ le traitement yi ñi am buñ comparer ak hadithu kawkaw bi manam kawkaw bi ñu won tour ndox ci jakk bi le traitement bi yenenbi sallalahu alayhi wasallam amono ak mom han ah balen ko bu ko ki bimu paré mu woko non mais xam nga fi jakk la han gis nga niñ ko defé tawarkalla han parce que juma yenenbi sallalahu alayhi wasallam mo gënon rafet medina manam medina bo tax mom lañu konta bax bimu yexé té mo fu gënon rafet moy édifice bi fu gënon rafet ci juma ji ci dëkk bi voilà mu ne ko gis nga fi jakk la tawarkalla gis nga donc fi do dañ ko defar pour di jaamu yalla pour di julli pour di jang alcorane pour di tuddu yalla et cetera ken defu ko pour di ay saw ay yoy non mu dal di comprendre mais da fekk ni koku kaw kaw la ci kaw ga la joge mom xamul manam affaireu tax ye yoy xamuko amna règle yu bari xamuko fi mom dafa ñew rek wala xam nga motax koku dafa am comportement buñu am ak genre nit yoy nit ko xamantene xamul mbir mi ni mi demé ak bokul tu mbiri koku dafa am comportement buñu am ak mom mais ñi nga xamantene tamit xamnañu tay lu ñoñu tamit dañu am benen comportement buñuy am ak ñom bokku ñu traitement de loolu tax sayyidna Huzayfa ibn al-Yaman radiyallahu anhu bimu jele bimu ko joxe ki bi da ko xagn mom da ka xagn pour wax ko ne ko waxna la ba tay ne la yenenbi sallalahu alayhi wasallam day téré ni yenenbi sallalahu alayhi wasallam da ko téré kon manam durité bobu nonu duna dafa tang way dafa nakari deret han yoy dedet da fa fek ne tamit comme li sayyidna Omar radhiyallahu anhu defone rek bi waji ñewé am problème ak yohod juif dal ñew man ak juif dañu am problème yaronnabi sallalahu alayhi wasallam atté yaronnabi sallalahu alayhi wasallam ne ko lan ngeen joté mu da di wax ñu wax kenn ku ne wax lu joté mu ne juif bi mo am deug waji bon comme day wané ni julit la ci communauté musulmane la bok bon mom dafa jappone yentibi da koy faral sallallahu alayhi wasallam yentibi sallallahu alayhi wasallam non mais non par contre juif mo am deug mu ne ok mu dem ci sayna Abu Bakar radhiyallahu anhu juif bi ne man wax nako muhammad sallallahu alayhi wasallam mu bañ mu ne atem doy ko legui nak ñew nañ ci yow pour nga atté ñu mu ne loolen jotté wax leen mu wax mu ne ko mais saway ya toña juif bi mo am deug mu dal ba écoute man dakouruma ko nañ dem laj ko Omar Seyna Omar radhiyallahu anhu biñ ko laajé wax ko mune ah bon affaire bi lan la ñune wa dem nañ ci yenenbi sallalahu alayhi wasallam wax nañ ko ko mais bon néna mom dakouru ñew nañu ci Seyna Bakar radhiyallahu anhu mune dakouru mune wa mune yow leg lañ bëggoon nga att ni mune ah d'accord wa xaar lañ mo ñew dal ñu indi jaasi bi door bop waaje mu dal di dag mu dal ni ku yenenbi sallalahu alayhi wasallam atté nga bañ Abu Bakar radhiyallahu anhu atté nga bañ ni lañ lay atté manam nit ñi aussi traitement yi ñi am par rapport ak ñom duñu ben donc yello na tamit ci kep ko xamantene day sakku xam xam ak surtout ñi nga xamantene dañuy jangalé ñu xamé nit ñi xamé kan lañuy am ben comportement par rapport ak ñom xam aussi manam moy bu sedd bi bu doy ki bi voilà hein indulgence bu beuri bi mais ñi nga xamantene ñom yag nañ ci daara ji yag nañu xam mbir yi yag nañu manam ñom yewu nañ ci yenn question yi ñoñu par contre manam dafa am ben repression bu ñu am par rapport ak ñom manam manam ben genre degeuray bu ñu am par rapport ak ñom su fekkentene dañu jaar yoon bu jaadul parce que tamit amna benen affaire bu ci am moy ñi nga xamantene ñom ñoy ñu bes bu ñëwé ci ben daara wala ñuy fréquenter ben sérigne bu fekkete de sérigne bi dafa bayyi manam gaay lu leen neex def lu leen neex wax mom du def dara amul manam mu nekk ko xamne dafa nan lañ ko insolent lañ koy xawma indulgent amna nek lan nonchalant voilà dafa nonchalant quoi mom amul benn ki manam day tok rek lu gaay neex wax lu gaay neex def manam da nga gis mu am benn désordre bu mak ci daara ji désordre bu reuy reuy mo fay am hein té lolou bu boba responsabilité am la mom serigne bi responsabilité am la lolou mom motax manam comportement té amna benen affaire tamit bu am même ci bir tariqa yi même am ci bir nitu yalla yi sax nit ki bu démé and ak benn serigne ko ah man xol na dal mais yow beug na nga jappalé ma sama digënté ak sama borom doy nga ma nangam ko comportement bi mi am par rapport talibi comportement bi mi am ak talibi yi nga xamné ñom ñoy ñu bëss ni ak comportement bi mi am ak talibi yu magi waru nek ben parce que ñi nga xamantene tamit manam motax serigne su fekkentene bo djoumé da ngay gis mu am ci yow manam mu corriger le de manière sévère c'est parce que daf la bëgg particulièrement c'est parce que yamalé wu la ak ñeneen ñi ci dess parce que ñi nga xamantene ñom bëggu leen particulièrement ñoñu nonu du sax préoccupé wu torop ci seen mbir ñoñu ko ñu jaddu ñu yoon mom yoonam neeku ci wala bok manam nimu koy baye xel taxu ko am solo donc lolu ben point la bo xamanteni point la bu am solo ci bu nek ci hadith bi benen bir mi nga xamanteni mom moy point bu am solo ci hadith bi ci buntu bobu nonu moy yenente bi sallallahu alayhi wasallam mi nga xamanteni nonu la wax bi nga xamanteni dafa téré parce que tamit xam nga ab daara fok manam jot ay xam fok manam munu ñak lu mel non manam li mo bax li mo bon ni lañuy def li kenn duko def ni lañ koy doxale kenn duko doxale lool la bu dama am ci parce que munul nek rek ay parole de sagesse nonu rek yo xamne dañ koy sanni ci air bi rek mu jeex il faut mu am aussi manam bu mu fi joge lu may appliquer lan la fi xame lan la fi jele lan lay doxale nan lay manam ban effet la wara am ci sama comportement lolou fuk mom yaronte bi sallalahu alayhi wasallam motax ci mbiri bu mu askane non dayor khuzaifa ibn al-yaman radhiyallahu anhu bi mbir mi deme ni dafa ni lan dafa ni ah gay manam neeku fi bayyi non manam mu melni ab dafa wax ba dañ yoy yaronte bi sallalahu alayhi wasallam dafa tere la dañu bu len lek ndabal khalis ak or te bu len nan ci sen manam sen palat bu len lek nan ci sen ndab yi bu len na lek ci sen palat yi parce que ñom ñoko mom ñom yeesi bi aduna te yeen yeen ko mom al-akhirah niki nonu bokku na tamit ci benen bir bu am solo bu nek ci hadith bi ci walu jangale njang ak jangale ak teggini yi nga xamanteni ñom ñoo ci wërwër lo moy ci jangale buy diglé dara wala mu koy téré wala buy joxe yenn atté dina bax mu wax lutax manam day bax mu wax lutax dañ li mom motax nangam danger bi mom mo nek ci nangam parce que suma ko waxul manam do xam gravité wu buma ci nek bul ci nan tam mu fogné waji no dafa metti rek quoi non non c'est que waji dafa metti quoi mom hein rek mu dadi jeex alors que non non non metti wul c'est parce que aussi ah lui metti wa moy compliqué rek wa wa voilà hein wa kon lolou il faut que ñukoy bayyi xel manam ke ni ki jangale tamit ki wax aussi bu fekké tane dafa wax lo xamanteni nit ñi xamuñu ko won avant il faut que nous préciser lan motax atté bi am lan motax ñu téreul li manam mu indi li nga xamantene mom moy argument maintenant nak motax mu ne yenenbi sallalahu alayhi wasallam da ci tek leral mbir mi dal ni parce que yeen ñom c'est parce que bo gisee ñukoy téré da wa fekk ne ñom ñoko mom aduna muy yéfer yeen yenako mom alakhirah té lolu daf ñuy duggal ci benen règle bu mak fondamental dinañ ci ñew ci masal usuliyé inshallah moy ni yéfer yi ak ñun jullu ñi duñu ben mangi gis il y a 2 or 3 jours sur Facebook bi rek am kumay poser question bobu bu mel non nan ma damay gis gaay di fêter ay 21 ay 24 décembre 31 yoy non est-ce que lolu ki manam lolu day dugat ci règle bi ni ñom ñoko mom ñom la yéfer duñu yeen manam différence bobu non ni nga xamné non la julli ñi yéfer yi wuté ci yenn mbir yi ak règle yi ko teunk ak nan lañuy xamé li yéfer yi mom ak yu julli yi mom lolu dinañ ci ñew inshallah ci masala yu usul yi inshallah légui mu def benen mbir ci légui nak ci hadith bi nga xamanteni mom moy hadith sayyidat um salama radiyallahu anha as sayyidat um salama radiyallahu anha yenenti bi sallallahu alayhi wasallam jëkërum la xam nga mu doon na né ah ndeysane sama jëkër ji mom de néna ha du deug mën nako wax wat mais daf ko tuddé rasulullah sallallahu alaihi wasallam ndawal yalla sallallahu alaihi wasallam hein ah amara dara wala na do président néna non ngi bok ci programme bi waaw non mais c'est à dire dafa am lu am solo ci tegginu ki sakku xam xam ak ki joxe xam xam mais surtout ki tak sakku ki joxe xam xam warna tamal talibi yi bo buy tuddu ay kilifa manam boromi xam xam ay nit ñu sel manam mu marqué luy wone ne ki bokut ak n'importe qui du ne rek modou wa modou neena fek modou manam bokul ak comme des mortels parce que modou borom xam xam la parce que modou kilifa serigne bu reuy la parce que modou nitu yalla la parce que manam yamul buñu manam doone modou neena il faut nga wax imam modou neena serigne modou neena oustad modou neena wala comme ni gars waxe son excellence monsieur le président de la république dal di doko dox touré parce que inzuluna sa manazilo nit ñi yeenent bi salaam dafa nañ leen wacc seen wacc way nit ñi dañ leen di wacc seen wacc way manam nit ñi tamit lool la mënu ñoo yamalé manam comme niñ ko waxé bu ñepp yamé wa am na ñoo xamné dañuy gëdd seen wal wa wa lolou sama bokk wala fi ko don wax non mais c'est vrai c'est à dire que tay buñ né ah tay day monsieur le consul général da fi ñew ñu na ñu war ko téru waru ñu né ko rek manam bon écoute hein ñun so ñëwé tu sais voilà da ngay mel comme ñëpp manam ñu tek ko fi ñi tek ñëpp dedet dañ koy jox orba dafa am fuñ koy tek ji wan ko ne ko waw yow kilifa nga comme li yenenbi sallallahu alaihi wasallam dafon wa ibn hajjar sayyidat aisha radhiyallahu anha neena man lim dama gis yenenbi sallallahu alaihi wasallam mom bi mi ñew du tupsi dafa jël yenenbi sallallahu dafa dindi kalam tek ko bu torch mu lakku lan motax nga doxale ak mom mu bokk tay ni nga doxale ak ñu mu ne parce que ñi seen wa keur ay bour lañ donc duma ko defal même traitement bi may defal ak ñi nga xamantene ñoy ñi ci kess parce que lool tamit manam dafa bokk ci xamé ah benen bir bi tamit moy yenenbi bi nak sallallahu alaihi wasallam manam ak nit ñu bax ni surtout manam lool budé wa aduna lañ koy defal lan ngay xalat ci wa al-akhir motax ki nga xamantene cheikh abdass dabakh radhiyallahu anhu neena bu nit ñi xamone parce que daf ni bok na ci li yok ngum yalla nit diko deugural moy fonku borom xam xam yi mune bu borom bu nit ñi xamone gëddu borom xam xam yi kon dootu ñu leen bayyeti manam wa koñ bi mu dëkk dootu ñuko bayyeti muy dox kete dañuy aw aw ay ay no bindu xol chaque jour ana kan moko wara yanu manam pour buy dox ci soxlam kan mokoy tek ci mbag bi pour hein voilà motax sayyidat ummu salama radhiyallahu anha biso mu ne mu ne ndawal yalla le neena sallallahu alaihi wasallam yenenbi sallallahu alaihi wasallam neena lol tamit point la bo xamantene bu mata baye xel niki nonu aussi ku melul non tamit buñ ko dox ci bir bob keneen ku meuna don bu ko ken wax rasulullah sallallahu alaihi wasallam parce que ki moy rasulullah sallallahu alaihi wasallam niki nonu maqamay manam buy bo utiliser tamit bat imam diw oustaz diw cheikh diw serigne diw yoy tamit dañu wara xol bati kan lañuy wax wala ak kan lañ ko dul wax cheikh dal ñaar la ci xam bu ñëkk bi moy tour bi moy ko xamne cheikh la tuddu koku waxu ñu ko yaaka na bo taxul ñu bi tax ñuy wax nak moy titre bi moy titre bi ak ak cheikh deug cheikh moy serigne moy dafa am ñetti groupe dafa am ko xamantene cheikh ta'lim la mom day jangale am ko xamantene cheikh tarbiya la mom day joxe education spirituelle am ko xamne cheikh tarqiya la manam mom dafa lay defal ben ascension spirituelle ñom ñett nak leg leg mu am kenn ko xamantene day dajale ñett yeb mais ko kenn lay doon mu am ko xamantene ño xamantene dañuy mëna dajalé ñaari am ño xamantene dañuy wéto benn bi ci ñaari mais ki nga xamné day jàngalé il faut que mu man limi jàngalé xam ko de telle sorte que mu maîtriser ko ba paré mën ko jël jox ko ki ci dess koku dañ nane cheikhou ta'lim la koku day jàngalé manaw yenn domaine fiqh hadith usul aqida tafsir et cetera moy mathématiques sociologie économie yeup hein wa mais buum ci man rek buum ci man deug deug maîtriser ko mën nañ ko wax cheikh tour bob manam serigne diw ndax day jangalé lool ci lool ah leg leg nak té la plupart par contre buñ ko waxé ci bir julit ñi bala ñu la jox deug deug titre bi bi tax ñuy wax deug moy nga nek nit ko xamne dang ci maîtriser quand même yenn surtout ci domaine ci xam xam yi nga xamne xam xamu sharia motax ñu wax manam da ngay man par exemple fiqh hadith ay tafsir usul yoy non voilà après bon doyam fof mën nga continuer mën nga jangale mathématiques économie sociologie etc mais au moins ci diine yi mo xam xamu diine nga xam yo ci man yo xam tane mom day tax yo xam tane ngoy xam xam bu wër nak numa la tuddé cheikh mu am ko xamantene mom cheikhou tarbiya mom education spirituelle lay defal nit manam moy kon moy day fexé ba yalla bëgg jambi jambi bëgg yalla parce que après dans la wa légui tamit day waral kokku ni mi def ba jamm bi bëgg yalla